シガファン Ouais, deux synthés. Un qui est trop fort, non ? Ah Julien, tu fais une chanson pour toi, Julien, tout à l'heure.